Bon matin, m'entendez bien? Les ventilateurs sont pas trop forts. Genèse 24, 67 versets. Bon, vous comprendrez que moi qui aime les slides, j'ai beaucoup de slides. Mais côté positif, il y en a quelques-unes qui sont cumulatives. Autrement dit, ça s'ajoute d'une slide à l'autre. Puis il y en a d'autres qui sont répétitives avec des petites variantes. Ce qui fait que dans le fond, j'en ai pas tant que ça. Bon, maintenant, si vous trouvez que vous avez de la difficulté avec la distance, bonjour. Si vous avez de la difficulté avec la distance, il y a de la place en avant ici, là, il y a de la place plus proche, il y a de la place plus proche. Comprendrez aussi que 67 versets, plus les expliquer, ça prend un certain temps. Fait qu'on a le choix. Ou je lis très lentement et que j'explique très lentement. Et on est ici jusqu'à 2 heures. Ou je lis un peu plus vite et j'explique un petit peu plus vite. Par contre, il va y avoir le PowerPoint et l'enregistrement. D'ailleurs, l'enregistrement est utile pour ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui voudraient l'écouter. Ça va? Genèse 24. On est dans Genèse. C'est intéressant, c'est dans Genèse, c'est que on a l'histoire d'une lignée qui mène à Jésus-Christ. Et pour le moment, cette lignée-là, ça se résume à un homme à la fois. Abraham, bon, en fait, je recule. On va avoir Abel, on va avoir Noé, il y en a d'autres là-dedans, mais il y a Abel, il y a Noé. Ensuite, on va passer à la généalogie jusqu'à ce qu'on va arriver à Abraham, ensuite Isaac, Jacob. Mais à partir de Jacob, on a d'autres hommes, on va avoir Moïse. Mais à partir de Jacob, on passe d'un individu à un peuple. C'est la foi d'un peuple. C'est le comportement du peuple qui est témoignage. Jusqu'à Jacob, c'est le témoignage de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé, de Job. J'avais oublié Job. Job, c'est des individus. Mais quand on arrive à Jacob, là, après, ça va être les tribus d'Israël. Ça va être le peuple d'Israël. Même Moïse, okay, c'est Moïse, mais c'est Moïse et le peuple d'Israël. Puis le focus, c'est le peuple d'Israël. Aujourd'hui, ben, c'est Jésus-Christ et son Église. Alors, nous, on est son Église. D'accord? Fait qu'on peut transposer tout ce qu'on est en train de regarder. Un petit instant, ça c'est bon. On peut transposer tout ce qu'on lit à nous. OK? La question se pose. Avez-vous la foi d'Abraham? Vous pouvez prendre la question personnellement ou on peut se la prendre collectivement. Quand on dit avez-vous, là, c'est toi, c'est nous. OK? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a cette foi-là? Est-ce qu'on a la foi d'Abraham qui croit littéralement la parole de Dieu, qui ne la questionne pas? Il ne se pose pas de questions quand Dieu dit quelque chose, il le prend, puis il agit en conséquence. Au point d'engager tout ce qu'il possède, incluant sa propre vie, sa famille, ceux qui dépendent de lui, tous ses biens. Dans le texte qu'on va regarder, Abraham doit effectivement tout investir dans une personne pour aller faire accomplir la promesse que Dieu a faite. Okay? Il va donner tous ses biens. Il va confier tous ses biens à son serviteur pour que le serviteur agisse avec sagesse pour accomplir la mission qu'Abraham lui a donnée. Donc, Abraham risque tout. Okay? Pour agir fidèlement comme Dieu vous dicte, et sur la seule base de sa parole, pas sur vos sentiments, vos émotions, comment vous vous sentez aujourd'hui, pas remettre en question tout ce que vous avez appris parce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas bien, là, ou parce que vous vivez quelque chose, mais se rappeler ce qu'on a appris de la parole de Dieu, ce qu'on a appris du Seigneur, se rappeler puis agir fidèlement selon ce qu'on a compris. Alors, Hébreux 11 nous dit, et c'est une longue introduction, mais c'est important parce que le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Abraham avait cette assurance-là. Et dans le chapitre 24, ici, il pose un geste concret. Au chapitre 23, là, il va acheter un terrain pour enterrer Sarah dans le territoire de Canaan. Parce que lui et sa descendance, c'est là qu'ils vont rester. C'est ça que Dieu a dit, c'est ça qu'il fait. Maintenant, là, il a besoin, il va, quand même, Abraham ici, en chapitre 24, là, sa femme, elle avait 127 ans, elle vient de mourir, Sarah. Donc, lui, il a au moins 137, 138. on ne va pas s'enfarger dans les chiffres. On va arrondir à 140, il lui reste 35 ans à vivre. Ben, il ne sait pas, celui. Mais ben, nous, on le sait. Ben, il sait qu'il est vieux, là. Il est vieux. Ça fait longtemps qu'il est vieux. Ça fait longtemps qu'il dit qu'il est vieux. C'est impossible qu'il ait un enfant. Là, il est rendu à 140. Il est vieux, vieux, vieux. OK? Bon, alors là, ses jours achèvent, il va faire quelque chose. Alors, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, dont Abraham, ont obtenu un témoignage favorable. Et ça, on va le voir dans notre texte aussi. Et pour nous, ben là, il y a toute une série dans Hébreux 11 là, qui nous dit « c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça ». Mais on va rester avec Abraham. Alors, c'est quoi la foi? Ben, j'ai fait une courte liste ici de qu'est-ce que c'est la foi. Je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, là. Mais la foi, excusez-moi, c'est une joie profonde, intérieure, d'appartenir au Seigneur. Sinon, je n'ai pas cette joie-là. Si je n'ai pas cette joie-là, pose-toi la question. Confiance dans la providence du Seigneur. Je lui parle, j'exprime mes sentiments, mes besoins, et je m'attends à ce qu'il va agir. Pas nécessairement comme moi je le veux, mais pour mon bien. Et quand il agit, je sais, même si je n'aime pas ça, que c'est pour mon bien. Ça, c'est croire Dieu littéralement. Okay? Fidélité, la foi, fidélité dans ses engagements, particulièrement envers ceux qui sont responsables de nos âmes. Mais ici, on va le voir au travers des personnages dans le texte. Je ne l'ai pas lu encore, là, mais on va le lire. Il est long, fait que juste mettre la table. Fidélité, Abraham envers Dieu, le serviteur envers Abraham, la famille de Nakhor envers la famille d'Abraham, Rebecca envers sa famille et la famille d'Abraham, et Isaac envers son père et le serviteur de son père. Et tout ça, parce que tout ce monde-là craint l'Éternel. Tout ce monde-là craint l'Éternel. OK? Assurance, la foi, là, c'est que j'ai l'assurance dans le résultat. Une pleine confiance en Dieu et une pleine confiance dans ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Je voudrais lire 1 Corinthiens 13 en ce qui concerne l'amour, le véritable amour. Je ne soupçonne pas le mal, je ne cherche pas le trouble, je ne remets pas en question. Persévérance dans la difficulté et même l'adversité. Ici, c'est le serviteur qui va le vivre, pas les autres, mais le serviteur va le vivre. Patience dans l'attente, ça c'est Abraham, Isaac. Et charité envers les saints, ça, c'est prendre soin des autres, on le voit tout au long du texte. D'accord? Et dans le texte, on va regarder la foi, cette foi-là, là, démontrée dans la vie de 5 personnes. Et la clé ici, là, c'est démontrer dans la vie de 5 personnes. C'est démontrer dans la vie. C'est pas tu déclares quelque chose là, parce que ça sonne bien, là, parce que tu as lu la Bible puis tu dis « Ah, moi, je crois tel passage. » OK? « Je crois telle affaire. » C'est écrit dans la Bible. Ouais? Ben, on devrait le voir dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans tes choix. Sinon, c'est juste de la belle théorie. Est-ce que ça va? Ici, on a 5 personnes, 5 personnages ou 5 groupes qui vont nous témoigner ça. Abraham, le serviteur d'Abraham, la maison de Nakhor, ici particulièrement, c'est, j'ai oublié, là, Bethuel, le fils de Nakhor, et Laban, le fils de Bethuel, frère de Rebecca. D'accord? Rebecca et Isaac. 5 personnages. OK? Ça va? Alors, comment votre foi à vous se vit-elle? Quand je dis vous, là, c'est toi personnellement, puis vous, c'est nous tous ensemble. Comment cette foi-là, c'est ce qu'elle se vit? Comment est-ce qu'on voit que vous êtes une personne de foi, que cette Église ici, on marche par la foi? Est-ce que la paix du Seigneur habite parmi nous? Est-ce qu'on en a l'assurance? C'est une question personnelle. Question connective. On doit se la poser la question, pas juste là, maintenant, quand tu es ici, mais à chaque fois qu'il arrive une situation, là, hey, moi, là, sans qui j'ai cru? Où est-ce que je me tiens? C'est quoi la vérité? C'est quoi la différence entre la vérité et ce qui me passe par la tête? Parce que ce qui me passe par la tête n'est pas toujours la vérité. C'est la vérité quand je suis capable de le comparer à la parole de Dieu. C'est pas la vérité quand je suis pas capable de le comparer à la parole de Dieu. Et attention, parce que l'ennemi est très fort dans les subtilités. Les jeux de mots. Alors, mon exhortation ce matin, c'est toujours la même, j'ai l'impression. Marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est à quoi nous sommes appelés, à marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Comment? Ben, en se laissant habiter par la parole de Dieu, c'est-à-dire ses promesses, c'est ce que Dieu dit, puis mettre votre confiance, votre entière confiance dans le Seigneur. Pas dans vous-même, pas dans votre intelligence, pas dans vos moyens, dans le Seigneur. Mettre en pratique ce qu'on va regarder dans le texte. Et c'est intéressant parce que Abraham a un témoignage personnel. Ça fait, il est rendu à 140 ans. Mais avant, quelquefois dans le passé, une fois, dans Genèse 21, Abraham va aller jaser avec Abimélec et ils vont faire un pacte. Et ici, Genèse 21, 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Abimélec est obligé de lire ça, de dire ça. Abimélec, il sort ça de où? La seule façon qu'Abimélec peut dire ça, c'est parce qu'il en est témoin. Et là, il va faire une promesse. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Est-ce que Abimélec est convaincu qu'Abraham est là pour demeurer? Absolument. La foi d'Abraham en son Dieu amène la crainte de Dieu auprès d'Abimélec et de ce peuple-là. Genèse 23. Abraham se lève de bon matin, devant son mort. Il parle ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » C'est quoi le témoignage d'Abraham? C'est pas des peuples qui adorent Dieu, mais c'est des peuples qui observent l'échange, la relation que Abraham a avec son Dieu et la relation que Dieu a avec Abraham, parce qu'Abraham est béni dans tout ce qu'il fait. Et ils sont obligés de le constater. Fait que je reviens à l'exhortation. C'est quoi l'objectif de marcher de manière digne à l'Évangile? Premièrement, parce que c'est ça que Dieu demande et c'est ainsi que tu vas être béni. Mais c'est aussi comme ça qu'on témoigne de Christ à ceux qui nous entourent, de la façon dont on vit, nous, l'Évangile ici. Ça va? Alors, ici, on a un témoignage dans le texte. Là, je vais le lire. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et comme on vient de le voir, les peuples voisins le savent aussi. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Est-ce que vous pensez qu'Abraham a un doute ici, là? Non, il fait juste rassurer le serviteur. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur a mis sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Juste une petite parenthèse ici. Mettre la main sous la cuisse. Il a longtemps me posé la question. Pourquoi mettre la main sous la cuisse? C'est un peu étrange.

Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Longue histoire. Beaucoup de stock. Juste l'histoire, c'est de la foi du début jusqu'à la fin. Alors, on va passer au travers des cinq personnages, si vous permettez. Juste vous rappeler que après la mise à l'épreuve d'Abraham par rapport à Isaac, au chapitre 22, ça vaut la peine d'aller le voir, chapitre 22, verset 20. Abraham, il revient là avec Isaac, il ne l'a pas sacrifié, Dieu a pourvu au bélier. Après ces choses, 22, 20, on fit à Abraham un rapport en disant, « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nakhor, ton frère. » Là aussi, si je ne suis pas sûr, ça fait rapport au fait que toi, Abraham, tu as eu un fils avec Sarah, mais ton frère Nakhor a eu aussi des fils. « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nakhor, ton frère. Uts, son premier-né, Buz, son frère Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Jidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a enfantés à Nakhor, frère d'Abraham. » C'est intéressant qu'il mentionne dans le texte, voici les huit fils, mais il a pris la peine de dire, au verset 23, Bethuel a engendré Rebecca. C'est intéressant. Parce que Sarah va mourir, la première chose qui vient à l'esprit d'Abraham après la mort de Sarah, c'est d'envoyer son serviteur chercher une épouse pour Isaac. Bon, quand on lit le texte 24 à la fin, il dit le fait qu'il a rencontré Rebecca, qu'il a Rebecca comme épouse, ça le console de la mort de sa mère. Est-ce que tout ça fait partie de la pensée d'Abraham? Peut-être. Mais Dieu a promis une descendance à Abraham et sa descendance passe par Isaac. Et il faut qu'il arrive quelque chose avec Isaac. Et là, Abraham enclenche le processus. Alors, intéressant, la nouvelle qui vient annonçant qu'il y a une femme là-bas. Là. Hein? Puis, elle doit être à peu près du même âge que Isaac, ou en tout cas. Mais elle vient de la famille d'Abraham. Il faut juste se rappeler que quand Abraham a quitté Ur de Chaldée, là, il est parti avec son père Térakh, son frère Nakhor, son neveu Lot. Ils sont tous partis ensemble. Quand ils sont arrivés à Charan, ils sont restés là jusqu'à temps que Térakh meure. Quand ils sont partis, quand Abraham a quitté Charan, Nakhor est resté en Orient, c'est parce que c'est Abraham qui s'en va dans la terre promise, pas Nakhor. Mais est-ce qu'on voit ici que Térakh et Nakhor ont marché aussi par la foi pour arriver là? Et Lot aussi accompagne, et on sait que Lot a été tourmenté tout le temps qu'il vivait à Sodome et Gomorre, là, tout ce temps-là, il était tourmenté par la méchanceté qui l'entourait. Fait que c'est toutes des informations importantes. Mais quand on arrive à Abraham, les instructions qu'il va donner à son serviteur, c'est que la femme doit venir de la maison de son père, donc de la famille de Nakhor, parce qu'il n'y en a pas d'autre. L'autre frère est mort, donc il reste Nakhor. Donc, ça doit venir de la maison de Nakhor. La femme ne peut pas être une Cananéenne. Ça, c'est ce que Rebecca va reprocher à Ésaü. Il va prendre des femmes cananéennes. Rebecca, là, Le serviteur d'Abraham est venu la chercher dans la maison d'Abraham pour l'amener en Canaan, pour ne pas que Isaac se marie avec des femmes du pays, ce que Dieu va interdire aussi au peuple d'Israël là, dans la loi. Là. Tu ne mariais pas des femmes étrangères. Puis nous a aussi dit dans l'Église de ne pas s'engager avec des non-croyants, de s'engager avec des croyants, mais pas avec des non-croyants, parce qu'on ne peut pas gérer ce qui va se passer. Et Isaac ne peut à aucun prix sortir du pays. Il doit demeurer dans la terre promise. Abraham ne veut pas tenter Isaac, ne veut pas l'exposer à la tentation. Tu restes ici, mon coco. Dieu va pourvoir à une épouse. Dieu a pourvu au bélier juste avant. Il ne faut pas que tu meurs. Dieu va pourvoir pour l'épouse. Ça va? Alors, Abraham était vieux. Il dit à son serviteur, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse. » Je lis les mots en gras, OK? « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Là, il dit, si elle ne veut pas venir, est-ce que je devrais mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Non! Garde-toi d'y mener mon fils, mais va dans la maison de mon père et de ma patrie. OK? C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils, pas ailleurs. C'est de là qu'elle doit venir. Fondamentalement, là, la maison de Nakhor craint l'Éternel. Abraham veut une femme pour Isaac qui craint l'Éternel. C'est ça qu'il veut. Et si elle ne veut pas venir, ça revient, mais tu n'amèneras pas mon fils là-bas. Abraham est convaincu que Dieu va pourvoir. Le petit tableau que vous voyez ici, il va revenir souvent, là, si vous regardez à l'écran. Là, je mets le nom de la personne et qu'est-ce qu'on déduit de la personne et qu'est-ce qu'on peut voir dans les critères de la foi. Alors, Abraham, il y a une pleine confiance dans les promesses de Dieu. Que Dieu va pourvoir une femme pour son fils. Il a une pleine confiance dans son serviteur pour bien conduire toutes ses affaires. Comme ça, c'est important aussi dans la foi, entre saints, dans la même famille, dans la même maison. Est-ce que j'ai confiance que Dieu va agir dans mon frère, ma sœur? Il fait confiance en accord pour son attachement et la crainte de l'Éternel. Il fait confiance au point qu'il est convaincu que dans la maison d'un accord, la femme qui est là craint l'Éternel. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, là. En tout cas, de ce qu'on a des Écritures, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et il a confiance en Isaac, son fils, pour accepter la femme que l'Éternel va pourvoir dans cette démarche-là. Ce n'est pas Isaac qui va aller chercher sa femme. C'est Dieu qui pourvoit la femme pour Isaac. Comme Ève pour Adam. Adam n'a pas donné de critères à Dieu. Dieu lui a donné une femme. Ici, Isaac, ce n'est même pas lui qui donne les critères, c'est son père. Le serviteur d'Abraham, il a toute autorité sur tous les biens d'Abraham et totalement soumis à son maître. Tu sais, le Joseph chez Pharaon. Avant, Joseph chez Potiphar. Potiphar a une absolue confiance. Même quand on va se jouer de Joseph, Potiphar croit Joseph et le protège. Il l'envoie en prison plutôt que de le faire mourir. Aberration totale pour sa femme, insulte. Mais Potiphar, il sait à qui il a affaire. Et ensuite, Joseph va devenir le bras droit de, on ne pourrait même pas dire, le bras droit de Pharaon. Il devient Pharaon, si vous voulez le regarder comme ça, parce qu'il a toute autorité sur tout ce qui se passe. Même dans la maison de Pharaon, la seule personne sur qui il n'a pas autorité, c'est Pharaon lui-même. Tout le reste, il a autorité. Il peut faire ce qu'il veut. C'est intéressant. Alors, le serviteur met sa main sous la cuisse d'Abraham et il jure. Il se lève et il s'en va en Mésopotamie à la ville de Nakhor. La ville de Nakhor, on ne veut pas dire que la ville s'appelle Nakhor. Ça veut dire la ville dans laquelle Nakhor habite. Comme on aurait pu dire, les anges vont dans la ville de Lot. Maintenant, c'est Sodome et Gomorre, on le sait, mais c'est quand même là que Lot habite ici. La ville de Nacor, c'est la ville où, et c'est probablement Charan. OK? Et là, quand il arrive, il dit à l'Éternel, donc il prie, il a tellement confiance dans son maître, puis dans le Dieu de son maître, qu'il va prier le Dieu de son maître. Hein? Et il lui demande faveur pour lui-même, mais il lui demande aussi une faveur pour son maître. En fait, la faveur pour lui n'est pas vraiment pour lui. Quand il dit, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, ce qu'il désire, c'est faire plaisir à son maître. Est-ce que vous me suivez? Fait que, bien qu'il va être béni, ce qu'il cherche, c'est pas son bien. Philippiens 2. C'est pas son bien seulement. C'est aussi celui des autres. Alors, il prie Dieu et il dit, fais-moi, je te prie, une faveur et use de bonté envers mon Seigneur. Il n'a même pas fini de parler que Rebecca sort pour aller puiser de l'eau. Rebecca, ici, ça nous donne la description, mais elle ne l'a pas encore dit, Rebecca, qui elle est. C'est juste une belle jeune femme qui sort, que une cruche, elle s'en va puiser de l'eau. OK? Et là, le serviteur la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou pas. Donc, si tu es, c'est pour elle, je veux savoir. Hein? Lui, il a l'expérience de voir Dieu agir dans la vie d'Abraham. Il n'a comme pas nécessairement l'expérience de voir Dieu agir dans sa vie personnelle comme ça, mais là, c'est lui qui est le centre d'attention. Et là, alors, ça dit au verset 26, alors l'homme, excuse-moi, il regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Ce qu'il a fait, et je saute les passages ici, c'est qu'il a sorti des bijoux avant la confirmation de Rebecca de qui elle était. Il ne sait pas c'est qui, parce qu'il est dans l'étonnement. Il demande, il se pose la question, c'est-tu elle? Et là, il va sortir les bijoux. Ici, je n'ai listé que certains versets. OK? Si vous regardez dans votre Bible entre les versets, quand il se demande au verset 21, c'est-tu elle? OK? Il ne sait pas. Il sort les bijoux, il sort une coupe d'affaires, il met ça près dans sa main. Et là, il demande à la jeune femme, t'es qui, toi? Et là, elle lui dit son nom, puis de où elle vient. Et là, il lui met les bijoux. Savez-vous pourquoi il a sorti les bijoux avant de lui demander, d'après vous? Parce qu'il savait que c'était elle. Il vient de prier. Il sait que Dieu répond. Elle sort. Ça aurait pu être une personne plus âgée, avec des enfants, etc. Non, non, c'est une jeune fille. Elle est vierge. Oups. Comment il sait qu'elle est vierge? Elle est vierge. OK? Bon, il y a, dans la tradition, dans la coutume, dans la façon de faire les choses, à quelque part, il peut reconnaître qu'elle est vierge. Mais elle est jeune, elle est belle. Wow, elle va plaire. Si et seulement si c'est elle. Il est tellement convaincu qu'il se prépare tout, il sort tout, là. Si c'est pas elle, il va être obligé de resserrer ses affaires. C'est pas ça un geste de foi? Mais il ment. Il faut quand même qu'il vérifie. Hey, comment tu t'appelles? J'espère que tu es la fille de Nacor. Oui, c'est elle. Extraordinaire. Vous voyez l'affaire? Alors, il s'incline, il se prosterne devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit. Il est reconnaissant pour Abraham. Il est reconnaissant parce qu'il voit que Dieu l'a conduit, lui. La foi d'Abraham va devenir éventuellement la foi d'Isaac. C'est pas long, Isaac. Mais Jacob, le fils d'Isaac, c'est long avant qu'il dise mon Dieu. D'une génération à l'autre, des fois, les choses se perdent. Et ensuite, au verset 48, dit, « Je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils, une femme dans la maison de Nacor. » C'est pour ça qu'il est venu, c'est ce qu'Abraham veut, c'est ce qu'il a. Et maintenant, il est prêt à repartir. Il est prêt à repartir. Là, on lui demande de rester 10 jours de plus. Non, pas venu faire la fête, moi. La fête à l'autre bout, quand je reviens. Bien de mentionner, quand il est parti avec 10 chameaux là, de la maison d'Abraham pour s'en aller dans la maison d'Anakar, au pifomètre, 800 km, avec 10 chameaux et probablement d'autres serviteurs, avec des richesses, parce qu'il y a de l'or, de l'argent, il va faire des dons, il y a tout ça avec lui. Là. Il voyage avec ça sur une route dangereuse. Il le fait parce que c'est ça que son maître a demandé. Il ne pose pas de questions. Il va. C'est lui qui va prendre tous les risques. C'est lui qui avance ici. Là. Mais quand il a le fruit de sa recherche, il ne veut pas rester là-bas. Il veut revenir. Parce que lui, il n'est pas venu pour lui. Alors, au verset 33, Laban lui demande, veut lui servir à manger. Mais lui, le serviteur, dit: je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Je suis venu, c'est sérieux, c'est important, je veux finir ce que j'ai commencé. Écoutez, donc, là, il va tout raconter l'histoire quand il dit ça. Là. Il raconte toute l'histoire. Parce que Laban et Nakhor ne connaissent pas l'histoire, mais ils connaissent Abraham et ils connaissent la femme d'Abraham. Sarah vient de quelle famille? De la maison de Térakh, donc elle est de la même famille. Ils se connaissent tous, ce monde-là. Bon. Ils racontent toute l'histoire. Puis après qu'il a raconté l'histoire, là, il demande de rester 10 jours. Au verset 56, il dit: « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Moi, j'ai la bonne nouvelle, mais mon Seigneur ne l'a pas encore, lui. En plus, là, savez-vous quoi? J'ai 800 kilomètres de route à faire. J'avais 10 chameaux quand je suis venu avec des serviteurs, probablement, on va assumer que c'est juste des hommes. Mais quand ils retournent, là, bon, pas de blague incluse, là, ils retournent avec Rebecca, sa nourrice et ses servants, et des chameaux et les biens de Rebecca. Fait que là, il y a un peu plus de fardeau, je vais dire ça comme ça, qu'il y en avait quand il est venu. Là, il repart et la route va être super dangereuse parce que les femmes, là, ça se vend. Les chameaux, ça se vend. Les femmes, ça se vend. L'or, ça se vend. Tout se vend. Okay? Fait qu'il est à risque sur l'aller, puis il est encore plus à risque sur le retour. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qui l'inquiète. C'est son maître. C'est la joie de son maître. Ça vous va? Qu'est-ce qui intéressait Jésus? Qu'est-ce qui nous intéresse? Oups. Alors, le serviteur d'Abraham trouve son plaisir dans la joie de son maître, trouve son plaisir à bien conduire toutes les affaires de son maître, trouve son plaisir dans le fait que son maître lui fait confiance, dans le fait que l'Éternel l'accompagne lui aussi et bénit son service. Petite note, la bonté de l'Éternel est pour tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui le craignent, même le serviteur. Et en bleu, ben, il a confiance dans la providence du Seigneur, il est fidèle dans ses engagements, il a confiance en Dieu, il a confiance en Abraham. C'est lui qui supporte le fardeau là, de 1600 km aller-retour avec tout ce que ça implique. Patient dans l'attente, parce que lui, il faut qu'il attende. Aller-retour. Et la charité envers les saints, parce qu'il fait du bien autour de lui en même temps pour la famille de son maître et la famille de Nakhor. La maison, j'ai mis en bleu Abraham, le serviteur d'Abraham, puis j'ai aussi mis en bleu Isaac, parce que ça, c'est une maison. Ça, c'est une église. J'ai mis en vert la maison de Nakhor, puis Rebecca aussi en vert, parce que ça, c'est une autre maison. Mais pourtant, ils sont dans le même esprit quand on lit le texte. Alors, la maison de Nakhor, ce qu'on lit, c'est que Rebecca avait un frère, donc Bethuel avait au moins un fils qui s'appelle Laban. Rappelez-vous ce Laban, parce que ça va être le même Laban qui va traiter avec Jacob. C'est intéressant que Laban, ici, va traiter avec le serviteur d'Abraham d'une certaine manière, puis il va traiter avec Jacob d'une autre manière. Il ne travaille pas avec la même personne. Et quand il s'approche du serviteur, il l'appelle « Viens, béni de l'Éternel ». C'est là qu'on sait que Laban craint l'Éternel, sinon il n'y aura pas dit ça. Laban et Bethuel répondirent et dirent, dans l'échange, est-ce que vous me donnez votre sœur, votre fille? C'est de l'Éternel que la chose vient. Hein? Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on peut ajouter ou enlever à ce que l'Éternel a dit? S'il l'a dit, il l'a dit. Est-ce que j'ai besoin de comprendre, moi, la banque habituelle? Est-ce que ça me prend là, un pedigree d'Isaac? Est-ce que ça me prend zéro question de poser? Est-ce que ça va? Ça vient de l'Éternel. C'est tout. Alors, voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Est-ce que c'est dans le serviteur qu'ils ont confiance ou dans l'Éternel, qui est l'Éternel d'Abraham et Isaac, qui est Abraham, pour avoir marché avec lui longtemps? Et ensuite, intéressant, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, au verset 60, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis? Ça, c'est la maison de Nakhor qui bénit Rebecca. Intéressant qu'ils utilisent exactement les mêmes mots que l'Éternel a donnés à Abraham. Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Devenir des milliers de myriades. » C'est pas la même affaire? Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et à Rebecca, il dit, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ça vient de la bouche de l'Éternel. Intéressant que Dieu dit à Abraham une promesse concernant Isaac et sa descendance, mais que Dieu va aussi dire à Sarah la même bénédiction. Il faut que Sarah entende de la bouche de l'Éternel. Ici, la maison de Rebecca déclare de la bouche de l'Éternel la même bénédiction. Pas intéressant? Vous vous appelez le serviteur, là. Vous entendez ça? Qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que vous savez que vous êtes à bonne adresse? Quand le serviteur va revenir et qu'il va raconter toute l'histoire, est-ce que ça confirme à Isaac et Abraham qu'il est allé à bonne adresse? OK. Alors, la maison de Nakhor, ils ne contestent aucunement la démarche. Ils se soumettent volontairement, sans rien demander pour eux-mêmes. Ils consultent Rebecca pour connaître sa volonté sur l'affaire. Ils honorent le serviteur du frère de leur père, Abraham, frère de leur patriarche, Nakhor. Ils honorent la foi d'Abraham. Ils bénissent Rebecca et la renvoient avec tout ce qui lui appartient. Ça, c'est la maison de Nakhor. Fidélité dans les engagements, assurance dans le résultat, confiance en Dieu, confiance en ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Pas de questions. On dit en anglais, no questions asked. Qu'est-ce que vous disiez aux enfants? Philippe? C'est quoi? Te rappelles-tu, Fred? Tout de suite, au complet, sans chialer. Et voilà, ça c'est l'obéissance. Ça, c'est croire. Ça, c'est agir avec foi. C'est ça, va? Et Isaac, plus ça va, hein, plus c'est court. C'est intéressant. Isaac, alors il répondit, oh, ça, c'est Rebecca, excuse-moi. Rebecca, c'est ça, Rebecca. Rebecca a dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit quoi? Ah, ben là, ça dépend, là. Je ne sais pas quoi faire, je peux jamais acheter du linge, je ne sais pas quoi, je ne me sens pas bien, je ne suis pas sûr. Il y a de l'air de quoi, là? Tu as-tu une photo? Non, mais tu sais. Elle répondit, j'irai. Qu'est-ce qui la motive, elle? On est obligé de répondre que c'est la crainte de l'Éternel. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca à lui dire, ce qu'on vient de dire. Rebecca se leva avec ses servants. Elle ne va pas attendre 10 jours. Le serviteur veut retourner. Elle est soumise. Et t'imagines, si elle avait contesté là, moi, j'aurais dit, C'est moi qui prends une pause. Si Rebecca conteste ici, elle va le contester tout le long en s'en allant, puis elle va contester avec Isaac. Ce n'est pas la femme que mon maître veut pour son fils. Mais elle obéit, elle est soumise, elle agit tout de suite avec fidélité. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Même les servantes, on pourrait aller là-dedans, là. Elles suivent Rebecca. L'engagement est là. Pas de question. Et le serviteur emmena Rebecca est parti. Rebecca se soumet volontairement sans rien demander pour elle-même, consulte les siens en toute transparence parce que dès le début, elle va raconter ce qui est arrivé, honore le serviteur du frère de son père, honore la foi d'Abraham, ne connaît ni Abraham ni Isaac, elle n'était pas née là quand Abraham est parti de Charan, ne connaît ni Abraham ni Isaac, ni le pays de Canaan, ni les peuples qui y habitent. Elle n'a aucune idée de où est-ce que c'est qu'elle s'en va. Imaginez-vous que vous prenez une femme dans un pays étranger là, qui n'est jamais venue ici, là, c'est elle qui fait le déplacement par ici. Elle n'a jamais vu, t'as beau voir là, sur YouTube, sur Internet, qu'est-ce que ça a l'air. Je ne sais pas, je vous avais déjà magasiné des maisons sur Internet, puis quand tu vas visiter, là, c'est pas la même affaire. Quand tu regardes du linge sur Internet, puis tu l'essayes, c'est pas la même affaire. OK? Fait que elle, qu'est-ce qu'elle répond? J'irai. Ah! À 800 km à dos de chameau, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur la route. Quand tu vas arriver à l'autre bout, ils ont l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? On vit comment? Qu'est-ce qu'on fait? La ville où elle est, d'accord, là, c'est des maisons, selon moi. C'est des maisons. Mais pas Abraham, pas Isaac. On recule un petit peu en termes de technologie. Est-ce que vous me suivez? J'irai. Je ne conteste pas avec Dieu. Et Isaac, voilà, Isaac. Et là, on a été épargné de 12 versets. Parce qu'ici, ça dit, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites, mais ne le répète pas. Parce que sinon, il aurait fallu que je lise encore l'histoire une troisième fois. C'est comme je veux. Mais il le dit à Isaac. Et qu'est-ce qu'il fait, Isaac? Il ne l'a jamais vu, ce fille-là, là. La démarque du chameau. OK, elle est belle, elle est jeune, ta-da-da. Mais il est en Canaan, là. Il y en a des belles femmes en Canaan, là. Il y en a vu. Hein, ils sont exposés tous les jours à des belles femmes, à toutes sortes d'affaires, toutes sortes de tentations. Non, lui, là, il attend la femme que Dieu va lui donner. Quand elle arrive, il écoute l'histoire du serviteur de Dieu. Et après, il prend Rebecca par la main, il l'amène dans la tente de Sarah, sa mère, parce que ça va être sa tente dorénavant. Il prend et il la prend comme épouse. Pas de question. C'est ici que c'est réglé. La même journée. Pas de long débat. Pourquoi? Entière confiance concernant la sagesse de son père. Entière confiance dans l'intégrité du serviteur de son père. Doute même pas. Et il les voit aller là, depuis longtemps. Il y a 37 ans. Là. Ça fait longtemps qu'il voit son père, le serviteur de son père, sa mère, dans leur foi. Ça fait longtemps. Là. Il marche dans les mêmes pas. Il a entière confiance. Après avoir entendu le récit du fidèle serviteur de son père, il crut sans questionner. Il connaît et respecte son père. Il connaît et respecte le serviteur de son père. La famille de Nakhor a acquiescé. Et Rebecca est là devant lui comme preuve du récit. Tu veux quoi de plus? Tu retournes Rebecca? C'est comment on appelle ça, là, tu sais, qu'on n'accepte pas un paquet à livraison. Là. Refus de livraison. Hey, ça dirait quoi, ça? Ça dirait quoi à toute l'histoire ici? À Dieu, à Abraham, aux serviteurs, à toute la maison d'Abraham, à toute la maison de Nakhor? Ça dirait quoi, là? Non. Il honore son père et toute la maison de son père. Je vais juste remonter d'une case ici. La maison d'Abraham et la maison de Nakhor. La même crainte de l'Éternel. Ils marchent tous par la foi. Ils sont dans la crainte de l'Éternel et ils agissent en conséquence. Fait que, qu'est-ce qu'on retient du texte? C'est pas si pire quand même, Christian, 11h15. C'est pas si pire quand même, hein? Mais 11h15. Qu'est-ce qu'on retient du texte? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de dire? On s'entend une couple de commentaires. Coupe pas le son, coupe pas l'enregistrement, tout ça. Est-ce que vous... Je pense que c'est le fil à prendre le micro aussi, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre à ma question? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que ça change dans vos vies d'avoir entendu cette histoire-là? Rien? Voilà, pas Fred. Puis ensuite, Mme Gravel. Madame Mère Gravel. Je trouve juste que c'est l'aboutissement d'une vie vécue avec Dieu. Il connaît son Dieu et c'est pour ça qu'il lui fait confiance. Il a une expérience avec Dieu et voilà, ça aboutit à ça, à une foi comme celle-là, toute une vie avec Dieu. Pas juste lui, mais non, toute sa maison. Sa maison, merci. Et non seulement sa maison, mais les peuples qui l'entourent le voient et agréent. Tu sais, dans 1 Timothée 3, je crois, quand on parle de choisir les diacres, les anciens, un des critères, c'est le témoignage qu'on a de cette personne-là, du dehors, des gens du dehors. Qu'est-ce que le monde en dehors de l'Église disent de cette personne-là? Qu'est-ce qu'ils disent les gens du dehors d'Abraham? Hey, un prince de Dieu. Diane? Ben oui, ils avaient tous la foi. Puis, il démontrait aussi. Il croyait tout en Dieu, il croyait en l'Éternel, de par le serviteur, de par Abraham, Isaac, Rebecca, toute la gang. C'est un exemple de foi. Il faisait confiance à l'Éternel en tout point, dans leurs relations les uns avec les autres, dans les choix qu'ils faisaient. Il faisait confiance à l'Éternel en tout point. Oui, Valérie. C'est l'aspect qu'après une épreuve ou les épreuves, il y a toujours une consolation. Et Dieu, il a consolé Isaac. Il dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Et puis Rebecca, qui devint sa femme, il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, je dis, Dieu, il nous console après une épreuve, des épreuves. C'est bon? Oui. Alors, deux passages que je trouve que ça vaut la peine d'encercler. C'est au verset 40. Quand Abraham envoie son serviteur, il dit, « L'Éternel enverra son ange avec toi. » La première fois, quand il dit, quand Abraham parle au serviteur, ce qu'on dit, c'est « enverra son ange devant toi. » Mais au verset 40, « avec toi. » Puis si on leur dit une fois, « derrière toi aussi, autour de toi, il est avec toi. » OK? « Son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » Abraham n'a aucun doute qu'il va réussir. Et au verset 50, quand la bête Bethuel entend la chose et que le serviteur pose la question, est-ce que vous vous agréez à la chose? C'est de l'Éternel que la chose vient. Prends et va et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Ne va pas questionner. C'est ça. Des fois, on est confronté dans la vie, on a des désirs, puis il y a des situations, puis la réponse n'est pas celle que je voulais. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. OK, ce n'est pas ce que je voulais. J'aime pas la situation. Mais est-ce que l'Éternel est menteur? Non, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Bon, ben alors, il y a une solution, comme tu viens de le dire. Il y a une bénédiction. Mais il faut rester dans l'attente, dans la patience, dans la confiance, dans la fidélité dans nos engagements. On ne déroge pas de la voie dans laquelle on est engagé avec le Seigneur et avec les frères et les sœurs. On garde le cap. Dieu va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Et vous allez pouvoir dire Amen. Mais dites-moi pas, demandez-moi pas aujourd'hui, c'est quoi? Le serviteur a fallu qu'il se rende. Oui, excuse-moi. Tu étais dans mon angle mort. Ouais, c'est ça, je voyais. pendant nos vacances, cette semaine, on était au camp des boulots. On a fini ça au camp des boulots, puis un ami, un frère, il est venu nous rejoindre, puis c'est un gars qui est, ça fait des années qu'il cherche une épouse, puis en tout cas, il souffre beaucoup de ça. On a parlé, fait que ça nous a amené à passer une partie de la semaine à parler de ça avec lui, puis... Prier pour lui. Prier pour lui, puis... Il est marié, là? Non. Il est dedans. C'est un bon gars. Ben, tout le long, je t'écoutais tantôt. Il me revenait le passage. On a lu justement. Dans nos lectures le matin, on a lu ce passage-là. Dans Colossiens 1, 9, ça dit: C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier. Juste un petit peu plus long. Nous cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Fait que même dans ça, s'il n'y a pas de prière, il n'y en arrivera pas des événements comme Isaac et Rebecca. Là. C'est vraiment dans la prière puis en relation avec Dieu. Puis, sinon, ça peut, il peut arriver des histoires bien négatives. Puis bien, ouais, amen. En fait, on n'a pas rentré dans la prière du serviteur, mais c'est une prière. Il est pressé. C'est un long voyage. Il doit retourner. Il est pressé. Il mène toison devant le Seigneur. Regarde, Seigneur, là, j'ai besoin de savoir que ça vient de toi. Donc, si ça se passe comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, je vais savoir que ça vient de toi. OK? Dieu n'est pas obligé de faire ça. Mais Dieu honore la prière du juste. Fait qu'il répond. Il n'a même pas fini de prier que la réponse est devant ses yeux. Oui. Moi, ce qui m'étonne dans toute l'histoire au complet, c'est que il n'y a personne qui pose des questions. Hein? Mais pourquoi, Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est... Puis je parle de moi-même. Là. Quand je demande quelque chose au Seigneur, toujours en train de... C'est tout ça que le Seigneur a dit. C'est tout... Tu sais, on est toujours hésitant dans tout ce qu'on fait. Je parle de moi. Mais j'aimerais ça avoir la foi, puis dire, poser une question au Seigneur, puis juste savoir que c'est lui qui répond sans, tu sais, se compliquer la vie. C'est... Il me semble qu'ils sont tellement solides dans leurs questions-réponses. C'est clair, mais... Mais comme a dit Daniel, c'est l'expérience d'une vie. Mais Jean, chapitre 1... chapitre 1, dit que celui qui manque de sagesse, qui en veut, qu'il demande au Seigneur, OK, qui va la donner. Mais il faut qu'il croie que le Seigneur va lui donner. Comment je sais qu'il croit que le Seigneur va lui donner? Ben, c'est parce qu'il va mettre quelque chose devant le Seigneur, puis après, il va croire que le Seigneur va bénir, puis là, il va se lever, puis il va agir comme s'il avait eu la réponse. Et c'est souvent ce qui tarde. Je demande. C'est pas précis, puis je reste assis et j'attends, mais je fais rien. Et où la foi? Puis à chaque jour, je me demande, je suis pas sûr si Dieu m'a entendu. Non. Retourner à Jacques, là, faut pas qu'il soit comme celui qui est incrédule, là, qui branle dans le vent, là, comme la quenouille qui branle dans le vent. Non. Tu demandes quelque chose, tu demandes la sagesse, crois qu'il te l'a donné, il a entendu, il a répondu. Bon, toi, tu ne le vois peut-être pas, là, mais ça va venir. Agis en conséquence. C'est vraiment ça. C'est ce qu'ils font ici, dans cette histoire. Ils croient ce que Dieu dit. Ils croient quand quelqu'un leur parle de Dieu avec des faits, ils le croient. Ils ne doutent pas de l'autre. 1 Corinthiens, chapitre 13. Doute pas de l'intégrité de ton frère. C'est clair que s'il t'a menti, puis c'est l'épreuve, on n'est pas dans le doute ici, on est dans les faits. Mais le doute, il n'y a pas de place dans le corps de Christ. Va vérifier. Mais agis, toi, comme le Seigneur le demande envers ton frère et envers le Seigneur. C'est vraiment ça ici. Alors, Galates 3, là, j'ai fini. Là. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Pas seront, sont bénis. Sachez donc que vous êtes bénis, vous qui croyez, qui avez mis votre confiance en Jésus-Christ. Alors, marchez donc, là, le pas de foi, marchez donc d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Comment? Ben, en vous imbibant de la parole de Dieu et en la vivant. Amen.